puisque les dauphins sont des rois. Que seul silence s'impose. Tu reviens qui de droit. Sa police américaine. C'est ton meilleur, on ne parle plus. Tout juste à sauver. Okay, tous, vous venez? Allez, bonne!